J'entasse dans mon assiette des choses jaunes et vertes, légumes à volonté pour une volonté de légumes. Je verse sur le rebord des sauces multicolores. Il est 8h du soir, je peux aller m'asseoir. Ah non, j'ai oublié la carafe d'eau. À la cafétéria, c'est comme dans la vraie vie. Qu'on regarde, il y a toujours de quoi combler l'envie. À la cafétéria, c'est comme dans la vraie vie. Il y a des serveuses, elles ne sont pas spécialement belles, elles ne sont pas spécialement joueuses. Elles n'ont qu'un désir, rentrer chez elles. Il y a des enfants qui avalent sous l'œil affectueux des mères. C'est une ambiance très familiale, on dirait des vacances à la mer. À la cafétéria, c'est comme dans la vraie vie. Qu'on regarde, il y a toujours de quoi combler l'envie. À la cafétéria, quand ils laissent sur les tables leurs plateaux avec des restes, c'est une part de même que les gens abandonnent. Oh non, oh non, j'ai terminé la carafe d'eau. À la cafétéria, c'est comme dans la vraie vie. Qu'on regarde, il y a toujours de quoi vous faire passer l'envie. À la cafétéria, c'est comme dans la vraie vie. Qu'on regarde, il y a toujours de quoi vous maintenir en vie. À la cafétéria, qu'on regarde, il y a toujours de quoi. À la cafétéria.